Absurdité de l'homme quand la différence sera-t-elle? Fluidité d'une bonbonne qui se ramasse à l'appel. Absurdité de l'homme quand la différence sera-t-elle? Et fluidité d'une bonbonne qui se ramasse à l'appel. Je ne prends plus de gants car mes mains veulent t'assassiner. Ces putains de tournants que l'on a tous dessinés. La destinée de l'ombre et de l'immoralité. Et finir le travail de cette putain de réalité. On reste les dessinateurs de ce monde si dur. Relançant tous nos cœurs sur le destin qui perdure. C'est dur, tout ça est bouillant et comme de la friture. Il reste de la place. Vas-y monte dans ma voiture, c'est sûr. Il y a encore énormément d'ordures à nettoyer sur le sang qui en fait sa rupture. À ramasser sur le destin toujours qui se rappelle. Les frères de la dérision ont le bruit qui les interpelle. Comme tous ceux et celles qui vivent cette étincelle. Et parce que le résultat doit montrer que la vie est belle. Tout ça comme une absurdité. Absurdité P2OP. Ok. Comme une absurdité. Une absurdité. Absurdité des peuples qui ne sont que différents. À composer la vie dans les moments et les instants. Perdant la dignité écrite dans les droits de l'homme. Sachant réhabiliter l'encre sur le métronome. Afin de libérer la passion de la thérapie. Et ouvrir leurs âmes et ne pas finir au tapis. C'est ainsi que la signature en a fait l'orthographe. Et tatoué sur l'envie de soigner son orthographe. Sur la beauté de la prod je ne fais que m'appliquer. L'odeur de l'avenir a fait que je suis impliqué. Cela vaut le peu qui en fera mon bien. Lire la phrase de ceux qui en établiront ce lien. Et parce que l'unité doit être enfin portée par tous. Du jour à la nuitée, j'en entends toujours qui tousse. C'est pas rien quand on peut comprendre toujours l'autre. Liberté d'un son et je ne suis que son apôtre. Comme une absurdité. Une absurdité. P2OP. Ouais. Ok. Parce qu'on ne vit que d'absurdité. D'absurdité. Absurdité qui finira par te rendre sourd. Parce que la fidélité les gens ne seront pas pour. Pourquoi faire quand on décide de marcher seul? Sur le temps ce sont les restes toujours que les gens veulent. Minimisant la vie sur le constat de nos envies. On ne fait que prendre les bons moments d'autrui. Mais qui a dit que seul est faite l'individualité? Sur le son j'expose ma dite spiritualité. Une réalité dessinée comme une subtilité. Et j'en ai rien à foutre que tu y vois une dualité. Et casse le vécu pour en comprendre bien ses armes. Au lieu de démontrer que seule est la vision du blâme, infâme. Je reste à constater la décision, celle de bien éviter toutes ces propositions. De se vendre à tout va pour quelques lignes de plus. Non, tout ça n'est pas pour moi, j'évite tes astuces. Comme une absurdité. Ouais. Parce qu'on ne vit que d'absurdité. Dans ce monde. Malheureusement, c'est la réalité. La réalité. Que d'absurdité. P2OP. Ouais.